più. Io t'ho ghermita, ti serro palpitante, sei mia. Sì, per l'amore. Vieni, vieni, via dall'anima in me. 聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream. 欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目当中，继续为您带来的是女高音歌唱家玛利亚·卡拉斯演唱的著名歌剧选段，曲目有比才的歌剧《卡门》当中的《哈巴尼拉》，圣桑的歌剧《参孙与达利拉》当中的《轻轻唤醒我的心》，贝里尼的歌剧《诺尔玛》当中的《圣洁女神》等。下面请连续欣赏。 Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends tard. l'épingle des six trous tapés avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les dingues et les se lever dans vos deux basses calées leurs trains et les guitares forcenées grincées sous des mains obstinées et mes chansons et mes refrains mes chansons Breathe. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。